L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, particules massives interagissant faiblement, qui pourraient former la matière noire, doivent produire de très rares collisions avec les noyaux d'atomes, dans un détecteur par exemple, et montrer une variation périodique de l'intensité de ces collisions au cours d'une année, avec un maximum en été et un minimum en hiver à cause de la rotation de la Terre autour du Soleil. L'expérience italienne d'Ama Libra observe avec son gros détecteur scintillateur depuis des années un signal avec exactement 7 modulations. Alors qu'il clame mesurer des WIMPs depuis le début des années 2000, toutes les autres expériences de recherche directe fondées sur la mesure de collisions sur des noyaux d'atomes, avec des technologies différentes, et toutes bien plus sensibles que d'Ama, n'ont pourtant jamais rien vu de tel, excluant de fait les résultats de d'Ama et leur jetant un certain discrédit suite à leur entêtement et à leur certaine opacité. Oui, mais il n'y a pas que des noyaux atomiques dans un détecteur, que ce soit un scintillateur organique, un gaz liquéfié ou bien un semi-conducteur. Il y a aussi des électrons, et beaucoup. Or, le signal de d'Ama peut aussi être interprété comme des interactions de WIMPs avec des électrons au lieu des noyaux. Et ça, les collisions élastiques ou inélastiques sur les électrons, les autres manips de recherche directe ne s'y intéressent pas, soit qu'elles ne peuvent pas y accéder pour des raisons technologiques, par exemple la nécessité d'avoir un seuil de détection très bas, entre autres, ou soit que la structure électronique des atomes en jeu ne s'y prête pas. Oui, mais non loin du détecteur de d'Ama Libra dans le laboratoire du Grand Sasso, il y a celui de Xénon 100, qui cherche des WIMPs avec du xénon liquide, en cherchant des collisions sur les noyaux de xénon. Et le xénon possède exactement la même structure de couche électronique que l'iode, qui serait l'élément prépondérant du détecteur en iodure de sodium de d'Ama Libra, pour ce qui est des interactions WIMP-électron. Et Xénon 100 est une expérience très sensible, avec un bruit de fond, c'est-à-dire un signal parasite bien maîtrisé et très bas, bien meilleur que celui de d'Ama. Alors c'était trop tentant pour les physiciens américano-européens de Xénon 100 de ne pas regarder ce que cela donnerait si on analysait les mesures à l'aune des interactions WIMP-électron au lieu de celles sur les noyaux. La collaboration Xénon 100 publie ainsi aujourd'hui dans la revue Science les résultats qu'elle a obtenus en analysant les données prises durant un peu plus de 220 jours entre le printemps 2011 et le printemps 2012, couvrant donc une période entière de modulation du signal. Le maximum d'intensité théorique a lieu le 2 juin et le minimum ayant lieu lui le 2 décembre. Donc en se focalisant autour même de la période du maximum. Les physiciens de Xénon 100 obtiennent alors un certain signal qu'ils doivent comparer avec ce que trouvent leurs concurrents de d'Ama. Pour cela, ils convertissent le signal de d'Ama en ce qu'il donnerait dans le détecteur de Xénon 100 s'il s'agissait d'un certain type de WIMP, et puis ils comparent les deux. La collaboration Xénon n'y est pas allée de main morte sur cette étude, puisqu'ils ont évalué le signal d'interaction WIMP-électron pour 3 différents modèles de WIMPs, dont notamment ceux qui auraient pu expliquer plus facilement le signal de d'Ama. La WIMP standard, premièrement, ensuite la WIMP de type électron-miroir, et enfin la WIMP de type matière noire lumineuse. Ah oui, c'est quoi ça? En fait, c'est une particule massive qui a la particularité d'émettre un photon gamma en se désexcitant lors de son interaction avec la matière, et pour laquelle serait détectée l'interaction du photon gamma de désexcitation plutôt que celle de la particule massive. C'est pour cela qu'on appelle une matière noire lumineuse. Bref, vous l'aurez compris peut-être, sans doute, les comparaisons de Xénon 100 pour chacun de ces trois modèles indiquent une très nette incompatibilité avec les données de Dama. La conclusion de cette étude est que les interactions de matière noire sur les électrons sont fortement exclues comme explication au signal modulé mesuré par Dama-Libra. Il va donc encore falloir chercher l'explication ailleurs, ou bien les physiciens de Dama-Libra acceptent enfin de fournir les détails sur leur bruit de fond à basse énergie, mais ça, c'est une autre paire de manches. L'article de la collaboration Xénon est paru dans Science le 21 août 2015 sous le titre « Exclusion of Leptophilic Dark Matter Models using Xénon 100 Electronic Recoil Data ». Oui, on l'appelle la leptophilic dark matter, c'est en fait la matière noire qui aime les leptons, qui aime donc les électrons. Leptophile. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et d'ici là, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !